L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Dernier spectacle à présenter en présence de deux artistes. Le spectacle « Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ?», spectacle qui sera présenté dans le cadre de la saison 2017-2018 à l'apostrophe, Théâtre 95 à Cergy-Grand-Centre, préfecture, pour deux dates, le mardi 6 et le mercredi 7 mars 2018. Et avec d'autres dates, je vois à Gonesse le 13 mars, le 16 mars à la Maison de la Chalaire à Iragny-sur-Oise et à Pontoise, au Dôme de Pontoise, le vendredi 6 avril. Voilà, pour être précis, l'auteur de ce spectacle, Julien Dieudonné, il est à mes côtés, le metteur en scène, Marc Prince, quoique tous les deux vous faites de la co-mise en scène, j'ai bien compris, et les trois acteurs, eh bien, Marc Prince avec une musicienne, compositrice, Chloé Mons-Bachung. Et je ne sais pas si on peut faire un raccourci en disant que cette pièce raconte un peu, en quelque sorte, la vie ou des moments de vie de Jean-Yann, des moments signifiants. Jean-Yann, tout le monde ne le connaît pas, particulièrement la plus jeune génération. Donc il va falloir nous dire, est-ce que c'est un moment de nostalgie dans la création ou est-ce que c'est l'idée de faire découvrir Jean-Yann, et pour quelle raison ? C'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni du théâtre documentaire, ce n'est ni en mémoire de Jean-Yann. C'est plus un point de vue que l'on a, Julien et moi, sur ce personnage-là, sur le Yann acteur au cinéma, ce cinéma-là des années 70-80. Et on traverse à travers lui une période donc cinématographique où on retrouvera des personnages comme Godard, Piala, Chabrol, Jean-Pierre Rassam, son producteur. Mais c'est vraiment un point de vue, le nôtre, en l'occurrence celui de Julien, parce que c'est Julien qui a écrit le texte, mais c'est notre point de vue sur cette période-là et sur cette manière de faire du cinéma, cette manière de jouer, qui brasse aussi des thématiques qui nous sont chères, des thématiques politiques, puisque ça parle de 68, ça fait écho à aujourd'hui. En 68, on ne se rappelle pas, mais il y a des slogans qu'on retrouve encore au jour d'aujourd'hui, pendant la manifestation contre la loi travail. Je ne savais pas qu'en 68, c'était déjà ces slogans-là, mais de parler de cette période-là, c'est aussi parler d'aujourd'hui. Et voilà. Julien va nous dire pourquoi, s'il a eu l'envie d'écrire sur Jean-Yann, et au travers de Jean-Yann, peut-être cette tranche d'histoire, parce que là, ça nous parle au-delà de ce personnage, de cette personnalité. D'abord, un artiste à multifacettes. Certains ont encore des souvenirs d'humoriste, mais il a été chanteur, chansonnier, il a été donc acteur, il a été producteur, il a été un artiste engagé aussi. Quand on parle du mot politique, c'était pas un gros mot chez lui, le mot politique. Alors, pourquoi ce désir d'écrire sur Jean-Yann, pour quelle raison là ? Au départ, il n'y a pas vraiment de raison me concernant. C'est Marc qui a eu cette idée qui m'a paru d'abord saugrenue. Parce que moi, le Jean-Yann que je connaissais, c'est celui des années 90-2000, avant sa mort, qui était un humoriste et qui était un homme assez cynique, qui avait un humour assez noir, assez sombre, et qui m'intéressait pas forcément énormément. Mais je suis parti à l'aventure à l'invitation de Marc, et j'ai découvert évidemment d'abord un être humain beaucoup plus complexe que ça, et ensuite un artiste qui avait une histoire. Et cette histoire, c'est que c'est d'abord Jean-Yann, un chansonnier des années 50-60, et qui rencontre Jean-Luc Godard, c'est-à-dire la Nouvelle Vague, et il tourne avec lui un film en 1967 qui s'appelle Weekend, qui est une sorte de brûlot à la fois politique et avant-gardiste, et ça lui change la vie. Il devient complètement passionné de cinéma, et il décide de devenir lui-même réalisateur, et donc on raconte ces années-là jusqu'au moment, donc c'est une décennie, jusqu'à 1978, jusqu'au moment où donc, il réalise des films, qui sont des films délirants, complètement inventifs, avec ce Jean-Pierre Rassam, qui est un producteur très important de l'époque, qui a produit La Grande Bouffe de Marco Ferreri, des films de cet acabit-là. Et les films de Jean-Yann sont à peu près de ce tonneau-là, ces films-là. Et puis, à un moment, ils ont même la possibilité d'acheter La Gaumont. Et ils vont réaliser un rêve complètement délirant et même un peu mégalomaniaque. Et puis, à ce moment-là, les financiers reprennent le cinéma français en main. Et c'est la fin de la vie d'artiste de Jean-Yann, en tout cas à mon sens. Et c'est pour ça que le Jean-Yann que je connaissais, amer, revenu de tout, misanthrope, noir, c'était en fait celui qui avait été en quelque sorte assassiné en 1978 par cette reprise en main de la finance sur le cinéma français qui a donné le cinéma d'aujourd'hui beaucoup plus formaté, on va dire, alors que le cinéma des années 70, c'est un cinéma anarchiste, libertaire, avec des trognes, avec une liberté de ton incroyable. Je Je pense que c'est ça, liberté de ton, qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'enjeux, hein, quand on est dans la création, dans le théâtre, dans le spectacle, dans le cinéma. Aujourd'hui, c'est d'abord des enjeux économiques qui guident souvent l'écriture d'un scénario, non, Marc? Oui, en fait, ça parle aussi de l'industrie cinématographique, de l'économie du cinéma, et ça nous renvoie, en ça que ça nous concerne, ça renvoie à l'économie du spectacle, à la difficulté au jour d'aujourd'hui de monter des spectacles, de trouver des productions, de trouver des financements. Bon, alors il se trouve qu'ici, on a la chance d'avoir l'apostrophe qui nous suit, qui nous produit et qui nous fait confiance, et que Jean-Joël a lu le texte, et voilà, et c'est parti pour une aventure ici, quoi. Jean-Yann, c'est parce qu'effectivement, beaucoup encore, à tort ou à raison, gardent ce que tout à l'heure Julien indiquait, cette image de l'humoriste en fin de vie aigri, cynique, et en même temps, quand on redécouvre ce qu'il a été, l'œuvre multiple qu'il a eu l'occasion de se composer en quelque sorte, eh bien c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraisse. Et aussi peut-être, on parlait de liberté de ton, mais c'est peut-être plus simplement et plus justement l'un des symboles de cette liberté qui n'est plus tout à fait celle d'aujourd'hui quand même. Alors justement, le spectacle met un peu en scène cette question-là, puisqu'il faut dire sans doute aux auditeurs que cette histoire de Jean-Yann, elle est racontée depuis aujourd'hui. Elle est racontée par un acteur, Marc Prin, qui est ici présent, qui va jouer en quelque sorte son propre rôle, en tout cas qui va prendre la parole depuis aujourd'hui, et qui va déplier depuis aujourd'hui cette histoire, justement pour la mettre en perspective en quelque sorte, et pour, avec cette distance qui permet, je crois, à la fois l'humour et en même temps peut-être quelque chose d'une mélancolie, en tout cas d'une sorte de tendresse aussi pour cette époque qui est maintenant révolue, où effectivement produire un spectacle c'est d'abord une histoire de sous. Jean-Yann c'était quelqu'un qui était du côté de la dépense, alors il en a fait même quelques folies en quelque sorte, mais ses films sentaient cette espèce d'indifférence à la question de la dépense qui est plus du tout de notre époque, mais qui donnait cette espèce de frénésie ou de grande liberté effectivement, à la fois dans le ton, dans les sujets traités, et puis aussi l'idée de réunir quelque chose qui appartient à l'art populaire et en même temps quelque chose qui soit profond. Donc cet art d'être profond en étant léger ou en étant drôle, c'est Jean-Yann, et c'est ce ton-là qu'on essaye de retrouver beaucoup plus que Jean-Yann lui-même, puisque ces sketchs, par exemple, que certains doivent connaître, on ne va pas du tout rejouer des sketchs de Jean-Yann, c'est pas du tout ça. C'est le personnage, la personne qu'il a été qui nous intéresse, son rapport à l'art et aussi ses chansons. Il y aura dans le spectacle, c'est pour ça que Chloé Mons est avec nous, elle va réadapter les chansons de Jean-Yann, qui sont des très belles chansons pour certaines d'entre elles. Il a écrit aussi quelques nanars qu'on va citer, mais les chansons qu'on va mettre dans le spectacle sont des très belles chansons assez profondes et assez jolies de cet art populaire qui s'appelle la chanson française. Je ne sais pas si on peut parler de clin d'œil, mais la situation sur scène est supposée nous rappeler le film de Maurice Pialat, Nous ne vieillirons pas ensemble, où on retrouve effectivement Jean-Yann aux côtés de Marlène Jobert dans cette fameuse et inoubliable Renault 16. Là, ce ne sera pas une Renault 16 sur scène, mais effectivement, ce clin d'œil, il sera de fait présent. C'est l'envie de départ, en fait, d'être moi, Marc Prin, dans cette voiture, avec eux. Alors, c'est vrai que c'est une scène mythique où on voit Jean-Yann, pour ceux qui ne connaissent pas le film, où on voit Jean-Yann insulter, invectiver Marlène Jobert, l'insultant de tous les noms, la mettant plus bas que terre. Enfin, c'est une scène d'une violence inouïe. Juste comme ça pour information, mais c'est aussi grâce à cette scène-là, ou en tout cas à ce film-là, qu'il a remporté le prix d'interprétation à Cannes. Lui, Jean-Yann, dit après coup qu'il aurait dû avoir un prix de lecture, puisqu'au fait, le texte, il n'avait pas appris, le texte était accroché au pare-soleil, sur le tableau de bord. Mais c'est à partir de cette scène-là, si vous voulez, que l'idée du projet est venue. J'avais envie d'être dans cette voiture, pas les déranger, mais juste là, d'être présent avec eux. Effectivement, une Renault 16, c'était l'envie de départ, mais une Renault 16, c'est une grosse voiture. Et puis, bon, c'est pareil, c'est aussi la faire rentrer dans le théâtre. Et quand Julien parle de la musique de Chloé Mons sur le plateau, on est quatre. Il y a le régisseur muet, qui est un peu, qui est un peu au service d'eux, mais qui est qui va jouer. La musicienne, la chanteuse, qui va aussi également jouer. Moi, qui pars donc de moi, Marc Prin, de ma situation de comédien, raconter cette histoire, rentrer dans ce conte, et la voiture, c'est le quatrième personnage. Et c'est vraiment depuis la voiture que le spectacle va se dérouler, C'est un peu un carrosse, comme dans un conte de fées. La fable va partir de la voiture, la musique, le son partira de la voiture jusqu'à s'étendre dans le théâtre. C'est vraiment le point de départ, le pivot du spectacle. Ça va monter sur la voiture, il y aura peut-être des projections dans la voiture, parce que là on est en création, donc on rentre vraiment au tout début. Mais peut-être que je vais faire l'amour avec la voiture, je ne sais pas ce qui va se passer avec la voiture, cette voiture-là, mais c'est un personnage à part entière. Et ce sera une petite, pour répondre à votre question, c'est une petite Fiat 127 désossée, à l'intérieur duquel vraiment les spectateurs seront en trifrontal dans cette proposition. Il y aura cette voiture-là au milieu, les gens arriveront, s'installeront, nous on sera déjà dedans, on écoutera des sons, parce qu'il y aura des archives aussi, quelques archives sonores. Je parlais de 68 tout à l'heure, mais peut-être qu'il y aura une retransmission de match de foot, mais enfin bon, là j'en dis déjà beaucoup sur le spectacle. Mais c'est vraiment, ça part de cette voiture-là, quoi. Et effectivement, c'était la voiture de Nous ne vivrons pas ensemble, mais il faut savoir que dans le cinéma des années 70, il n'y avait pas un film sans une voiture avec des mecs qui clopent dedans comme des malades, quoi. À découvrir donc Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille. Merci Marc Prin, merci Julien Dieudonné. Le spectacle, je le rappelle très vite, il sera pour les premières représentations présenté à l'apostrophe Théâtre 95 à Cergy Centre Préfecture le mardi 6 et le mercredi 7 mars 2018, puis d'autres dates au mois de mars et avril sur d'autres villes du Val d'Oise. Merci à vous deux. Merci.